bon truc de Bordeaux, je suis le grand cru au langage cru et dur. Là où la vérité vous la voyez comme intrus dans l'instru, l'intrusion qu'aucune caméra visionne. Les gars les braves se font rares, même les caméras michetonne. Maintenant ce passe-passe de bifton, y'a plus de place à l'amour. Je te casse-casse ton système d'audition avec ma musique, fais l'amour dans ta joue, l'état d'urgence comme à Karachi. L'état de la France, un gros bordel où tous mes kairachi. Nos racines, tout homme ne pourra jamais les excuser. Blanc, black, beurre, c'est tous ensemble, pas se diviser. Et viser en chacun le summum, et quand tu parles, je somnole. Un son qui te racole, et je me rapproche pour enfin que je caracole. Monter mon biche jusqu'à Caracas, le mental d'Arapace. Pas finir au trou, pas de mental, celui au 9 mètres. Carré de place, on n'est pas de glace. Le cœur se réchauffe avec la dulcinée ou du Jack Daniel. Les rapports, c'est comme le sbire qui s'est consumé. On voit tout partir en fumée, au fond, qu'est-ce qui nous revient? À part l'envie de tout fumer, j'aurais pas envie d'être de vin. Synthé, région du vin, laisse vieillir le son comme il se doit. C'est ma hip-hop connexion, pas un vieux son que tu passes en boîte. Vas-y, tu crois quoi? On allait rester là, deux marbrés, deux fois. J'ai testé, puis j'dérape, les rats quittent le navire, etc. Jeunesse qui chavire, plus jamais on se taira. Vas-y, tu crois quoi? Tu crois quoi? On allait rester là, deux marbrés, deux fois. J'ai testé, puis j'dérape, les rats quittent le navire, etc. Jeunesse qui chavire, plus jamais on se taira. Ils aient ça pour protéger leurs fils de naufrage choc. Et nous, qui pour nous protéger de nos vies pauvres? Ils me censurent quand je le dis, mais qui s'en préoccupe quand je le vis? Insulté de primates et repéré au prime abord, les sujets que j'apporte sont source de discorde. Le jugement qu'il sécrète, dis-le dans la masse secrètement. De fautifs sans caricature, les miens brûlent des voitures. Les votes mélangent les noirs et les ordures. On règle les problèmes de façon animale. Quoi de plus normal, car d'après leur journal, mon frère est le descendant d'un cannibale. Mais je crois qu'ils occultent le passé de leur père et le culte qu'ils voient à la race aryenne, plus qu'un pas en arrière. Loin d'être en fait divers, nos avis divergent. Si je suis la mauvaise herbe, vous avez planté la graine. Comble de l'ironie, critiquez leur regard, leur solution. Avec 10 ans de retard, nos vieux contextes, je te les replace. Mon quotidien et les mauvaises surprises qui s'entrelacent. Trois fois, quoi, on allait rester là, deux marbrés, deux fois. J'ai testé, puis j'dérape, les rats quittent le navire, etc. Jeunesse qui chavire, plus jamais on se taira. Vas-y, tu crois quoi? Tu crois quoi? On allait rester là, deux marbrés, deux fois. J'ai testé, puis j'dérape, les rats quittent le navire, etc. Jeunesse qui chavire, plus jamais on se taira. Mauvais élève, d'après eux, on se relève à peu près. D'après les responsabilités, le poids des mots empêche qu'on décolle. T'approche pas de trop près, on a les crocs bien aiguisés. Sourire du lion, poids et prédateur quand t'enseigne à l'école. Positionné dans ma visée, tu crois que j'allais pas tirer? Trop de haine en nous pour qu'on pense à la trêve. Des rimes de vol à la tirée, je veux que s'exauce mes rêves. Atypique maillon de la chaîne, j'attends mon tour, ici c'est marche ou crève. Bref de parole, on dirait les brefs de comptoir. Y'a pas de trêve dans nos voix, un son pas qui racole sur les trottoirs. Votre électorat, je le connais, on sent qu'ils sont les proies des RG. C'est mes nerfs lâchés, mon nom suivi des croix dans ton carnet. Ma voix, aussi tranchante qu'un glaive, quand nos lueurs d'espoir apparaissent trop brèves. Ton carnet est le fruit de ma sève, voilà le résultat de nos passe-passe et de mon 16. Drop beat. Vas-y, crois quoi, on allait rester là, deux marbrés, deux fois. J'ai testé, puis j'dérape, les rats quittent le navire, etc. Jeunesse qui chavire, plus jamais on se taira. Vas-y, tu crois quoi, on allait rester là, deux marbrés, deux fois. J'ai testé, puis j'dérape, les rats quittent le navire, etc. Jeunesse qui chavire, plus jamais on se taira.